Bonjour à tous et bienvenue sur French Pod. Je m'appelle Amaury. And I'm Erica. Welcome to an intermediate lesson. C'est ça. About the first time we met. Notre première rencontre. Not notre première rencontre, but we have a couple. Seems they may have been married a while. J'aimerais avoir une histoire romantique. It might be a romantic story. Let's check it out. Oui. Alors maintenant, il est temps d'écouter le dialogue. Tu te souviens de notre première rencontre? Comme si c'était hier. On s'est croisés en sortant du supermarché et tu m'as bousculé. Toutes mes courses sont tombées par terre. Alors tu m'as demandé, tiens, vous aussi, vous aimez le foie gras? Ouais, c'était génial. Alors je t'ai répondu que j'adorais le foie gras. Et là, pour moi, c'était le coup de foudre. Allez les bleus! Alors tu m'as invité chez toi le soir même, en me rappelant de ne pas oublier de ramener le vin. Hein? Attends... Cette soirée-là, on a bu un Bordeaux de 1965. Mais c'était pas moi, ça! Hey, nous revoilà. Bon, ça n'était pas aussi romantique que je l'espérais. Yeah, not really. So we had a woman going down memory lane. Elle veut savoir si son mari se souvient de leur première rencontre. He claims he did, right? Oui, il s'en souvient, comme si c'était hier. That's what he said anyways, but he was kind of watching TV. Oui, c'est vrai. So, I don't know if he's really paying attention. And then we got to go on a trip, in the woman's mind of that première rencontre. Ah, leur histoire qui commence. So what did she say? Let's look at this first sentence she said, describing this event. On s'est croisés en sortant du supermarché et tu m'as bousculé. Okay, so a couple things there, right? First, let's look at the vocab. We had the word se croiser, oui. Which means to run into somebody. C'est correct. But it's like figurative, right? Tout à fait, oui. Cela veut dire on s'est vu. Yeah, somewhere. Voilà, on a croisé nos chemins. Yeah, we ran into each other. Voilà, il y a un double sens. On peut se croiser vraiment, physiquement. Okay. Mais sinon, on peut dire on s'est croisé, on peut dire on s'est vu. So we either just saw the person like, hey, I ran into him yesterday, or actually did physically run into them. Voilà. But then we have the verb bousculer, which means you really did knock into each other physically, right? Ouais. Alors là, oui, il y a... Petit contact physique, quand on dit bousculer quelqu'un. Ok, and he smacked into him, bousculer. So the sentence... On s'est croisés. We ran into each other. Where? En sortant du supermarché. And then what happened? Et tu m'as bousculé. What was the consequence? Ce qui s'est passé, c'est que toutes ses courses sont tombées par terre. Les courses, all her groceries, right? Voilà, tout ce qu'elle a acheté. Au supermarché. Yeah. So, tomber par terre. Oui. Literally means fall by earth. C'est ça, oui. But it means mais ça semble bizarre. Yeah, fall on the ground. Oui. Tomber par terre. Exactement. Et donc, on peut employer ça pour un objet ou pour une personne aussi. OK, so anything that falls in the ground can tomber par terre. Voilà. OK, so then what happens? Alors, lui, il lui a demandé... Oui. Tiens, vous aussi, vous aimez le foie gras? So let's play with this sentence a little bit because we got a lot of structures when you're telling a story, different tenses and everything, right? Il y a beaucoup d'informations dedans. So the best way for you to absorb it is if we take a couple of variations of this story. Oui. In the life of us, right? Oui. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas difficile avec toi, Erika, parce que... of what it's like for Amaury every day. Okay. Voilà. Go ahead. Si je me souviens bien, hier, on s'est croisé en sortant du studio, right? Et tu m'as bousculé. It was an accident. Okay, but it wasn't that bad of a consequence, right? Et je suis quand même tombé par terre. Donc la conséquence était là quand même. You didn't get hurt, Amaury. Mais alors, tu m'as demandé... Est-ce que tu fais un peu attention parfois, Erika, quand même? Sometimes I pay attention, Amaury. Ouais. Sometimes I don't. Mais pas hier. Tiens, alors je t'ai répondu que j'étais vraiment désolée. Mais d'accord, si c'était la seule fois, peut-être. Ok, yeah. Mais encore ce matin, on s'est croisés en sortant de l'ascenseur. Right. Et tu m'as encore bousculé. Well, it's morning, it's hard to pay attention in the morning. Et là, c'est mon café qui est tombé par terre. but it could have been worse, Omri. It could have fallen on your shirt. Non, non, c'est grave. C'est vraiment grave. Le café le matin, c'est important. Et alors, tu m'as demandé... Tu le fais exprès ou quoi, Erika? Et alors, je t'ai répondu que j'étais vraiment désolée, Omri. Mais là, je t'ai dit, tu es maladroite. True, I can be a little clumsy. Enfin, c'est pas grave, on s'aime bien quand même, Erika. All right, great. Thanks, Omri. Jusqu'à demain. Okay, so... Now, her, though, in this story, after all the, you know, everything sont tombés par terre, he asked her what? Tiens, vous aussi, vous aimez le foie gras? You too, you love foie gras. Mm-hmm. Okay, we're going to talk about that later. Et donc, elle lui a répondu qu'elle adorait le foie gras. En fait, ça l'a pas dérangé d'être bousculée. Right. And what happened next for her was what? Le coup de foudre. Love at first sight. Ce qu'on espère tous. We'll go back to this phrase a little bit later, d'accord. Also. But it means love at first sight. Now he's like, whatever. Il est dans son match. Yeah, how do we know that? Parce qu'il dit, allez les bleus! Right. Go Blues! Came all the way there. But she didn't seem to notice. She continued on with the story of the premier rencontre. Et elle se souvient qu'il l'a invité chez lui le soir même. This word, le soir même, the evening same, is a literal translation. Ouais. Can you say le même soir in French? On peut dire le même soir aussi. Okay, but it's a more Frenchy way to say le soir même. C'est ça. Yeah, but they're both correct. Oui. Okay, so when he invited her, he reminded her of something at the same time. En lui rappelant de ne pas oublier de ramener le vin. Okay, let's look at this a minute. Rappeler de... is to remind someone. Rappeler quelqu'un de quelque chose. Okay. Remind someone of something. Ouais. So he reminds her, you know, de ne pas oublier de ramener le vin. Voilà. Par exemple, on pourrait dire aussi, hier, elle est partie en me rappelant de ne pas oublier les clés. So while she was leaving, she reminded you not to forget the keys. That's correct. And I bet you did anyway, didn't you? C'est vrai, mais bon. Okay. Faut me rappeler deux fois. Et toi aussi, hier, tu as quitté le bureau en me rappelant de ne pas travailler trop tard. Right, because you always work so late. Et oui, toute la nuit. I gotta remind you two times, right? Okay, so all this memories, lanes, and all of a sudden, I don't know what it is that caused him to... He's like, hey, attends. Parce que c'est le mot vin. Something about the word vin. Voilà, donc le français, il entend le mot vin. But she just keeps going with the story and she says... Cette soirée-là, on a bu un Bordeaux de 1965. And suddenly, maybe the specificities of exactly which type of bouteille de vin. Voilà, à mon avis, il n'a jamais bu un Bordeaux de 1965. Yeah, okay. Et là, il se réveille. Hey, wait a minute. Et il comprend, ce n'était pas moi ça. Oh là là, and that's the end of the story, here and probably forever. Après ça, on va écouter le dialogue une nouvelle fois. Tu te souviens de notre première rencontre? Comme si c'était hier. On s'est croisés en sortant du supermarché et tu m'as bousculé. Toutes mes courses sont tombées par terre. Alors tu m'as demandé, tiens, vous aussi vous aimez le foie gras? Ouais, c'était génial. Alors je t'ai répondu que j'adorais le foie gras. Et là, pour moi, c'était le coup de foudre. Allez les bleus! Alors tu m'as invité chez toi le soir même, en me rappelant de ne pas oublier de ramener le vin. Hein? Attends... Cette soirée-là, on a bu un Bordeaux de 1965. Mais c'était pas moi, ça! Okay, so let's talk again about coups de foudre. Oui. Les coups de foudre are also during storms, right? Les orages. Tout à fait ça. Donc on peut comprendre l'image d'une personne marchant dans la rue, frappée par l'éclair. Right. And it comes out of nowhere. They just mind their own business. And voilà, en sortant du supermarché. C'est ça le coup de foudre. Ça arrive partout. Everywhere and anywhere. On ne s'y attend pas. Yeah, when you least expect it. Mm-hmm. That's right. Do les Français, do they believe in le coup de foudre in France? Oui. Is it like a universal belief that it exists? spécialement en France peut-être. Right, yeah. Okay, so here in the dialogue, what caused le coup de foudre? Was they found they both like le foie gras? Ouais. Let's talk about that. First of all, don't all French people like le foie gras? Oui, tout à fait. C'est un plat très raffiné. But maybe they already had a coup de foudre. Ça a juste ajouté un peu de passion. Yeah, find a reason to talk. So it's kind of pâté, right? Exactement, Erika. Donc c'est fait à partir de canard ou d'oie. The foie is actually liver. Oui. And it could be either duck or goose, like you said, right? Tout à fait. Et c'est un élément vraiment important dans la cuisine française. Yeah. Okay, so... Et oui, maintenant c'est terminé, comme c'est terminé pour notre couple. Right, yeah. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur FrenchPod. Yeah, come to the site FrenchPod.com. If you have any questions, and you can come to the board and practice some writing in French and also find some great exercises and other things you can do to help you practice, audio files, all kinds of things. Tout à fait. Alors, Erika, tu fais attention en sortant du studio maintenant. Okay, I will, I promise. Au revoir.